Racontez une suite d'actions. Exercice 2. Je suis allée au centre-ville, car je devais faire une course. Un garçon m'a demandé de répondre à une enquête. L'environnement et vous. Normalement, je n'accepte jamais. Mais là, j'avais le temps, alors j'ai accepté. Et puis, l'environnement est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En plus, ce garçon était très sympa. On a commencé à discuter de plein de choses. Ensuite, on est allé boire un café pour continuer à parler. Finalement, on est resté 2 heures à discuter. Je lui ai demandé son numéro de téléphone avant de partir, puisqu'il devait retourner travailler.